J'ai vu des enfants sur un banc, des vieillards qui riaient tellement, des étés chauds, des hivers, des printemps. Ça me rappelle le temps qu'on passait sur un banc. On voulait changer le monde sur un banc. On regardait les blondes dans le vent. Et puis ces autres qui nous plaisaient tant. J'aimais des regards les vôtres sur un banc. Nos premiers amours sur un banc, ils s'y arrêtent toujours comme avant. Parfois on y tremble, mais on peut claquer des dents. Tant que l'on est ensemble sur un banc. Jaune, noir, gris ou blanc, on se foutait de la couleur des bancs. Comme un bateau pour un océan. Envie de vivre un banc. Pourtant, ça n'a pas l'air d'être grand chose. Un banc dans un jardin de roses ou dans la rue devant. Ce qui était bien finalement. Joignez nos mains sur un banc.